Merry Christmas. Studek Web. Studek Web, bienvenue et bon lundi, il est 15h. Studek Web, les infos. Et on commence avec un point sur l'actualité avec Arthur Vincent. Bonjour Arthur. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Après le quatrième acte de la manifestation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a réuni 37 personnes autour d'une grande table, dont le Premier ministre Édouard Philippe. Objectif, tenter de trouver une issue à la crise des Gilets jaunes. Le président de la République s'adressera aux Français à 20h pour annoncer selon toute vraisemblance de nouvelles mesures. Laetitia Deval, figure de la contestation des Gilets jaunes dans le Val d'Oise, a déclaré ce matin « Il va falloir des mesures fortes et concrètes tout de suite, mais on a peu d'espoir ». Les Gilets jaunes se préparent d'ores et déjà à l'acte 5 samedi. Et on vient de l'apprendre à l'instant, Emmanuel Macron n'a rien dévoilé de ce qu'il comptait annoncer ce soir. Et après 3 semaines de mouvement Gilets jaunes dans toute la France, les commerces tournent au ralenti. Invité de RTL ce matin, Bruno Le Maire a évoqué une perte de croissance. « Je pense que les événements actuels devraient nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale au dernier trimestre », a-t-il déclaré. Selon le patronat, le mouvement des Gilets jaunes pourrait entraîner jusqu'à 10 milliards d'euros de pertes pour l'économie, sans compter de nombreux licenciements. Carlos Ghosn ne passera pas Noël en France. 3 semaines après son arrestation à Tokyo, il a été inculpé aujourd'hui pour dissimulation de revenus sur 5 ans, tandis que sa garde à vue était prolongée sur de nouvelles charges. Le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avait été interpellé le 19 novembre sur des soupçons de malversation. Le dirigeant, âgé de 64 ans, avait été aussitôt envoyé dans un centre de détention du nord de la capitale. Le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été approuvé aujourd'hui à Marrakech. 150 pays étaient réunis en conférence intergouvernementale. Monsieur Guterres, secrétaire général de l'ONU, a encore dénoncé les nombreux mensonges sur ce pacte qui a soulevé de vives critiques de la part des partisans de la fermeture des frontières, jusqu'à faire éclater la coalition gouvernementale en Belgique. Un peu de sport désormais, hier soir River Plate a remporté la Copa Libertadores en battant son éternel rival Boca Juniors 3-1. La rencontre s'est déroulée au stade Santiago Bernabéu à Madrid. Après le match aller qui s'était soldé par un match nul de partout, le match retour à la base prévu à River Plate avait dû être reporté suite à de graves incidents à l'encontre du bus de Boca Juniors. La météo désormais, et cet après-midi, les nuages sont plutôt présents dans la moitié nord de l'Hexagone. Quelques rares averses pourraient se faire attendre sur la capitale. Dans la moitié sud, le soleil est présent, principalement sur l'ouest. Quelques gouttes sont à signaler dans la vallée du Rhône. Méfiez-vous du vent qui pourrait souffler jusqu'à 70 km/h dans les Bouches-du-Rhône. Côté température, il fera 6 à Besançon, 7 à Lyon, 9 à Paris, 11 à Brest et 12 à Marseille. Tout de suite, vous retrouvez Lucas et son équipe pour Borderline. Bon après-midi sur StudiecoWeb. Merci Arthur, prochain rendez-vous de l'info à 15h30. Studec Borderline. Au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Studec Web. Bienvenue dans Studec Borderline, votre émission qui repousse toutes les limites. J'espère que vous allez bien, malgré qu'on soit lundi. Hein. C'est rarement cool le lundi, mais lundi, on est bientôt Noël. Vous avez entendu le petit générique de Noël? Bien sûr, ouais, il est pas mal, il est pas mal. Hein. On est là pour rendre votre début de semaine agréable. Et comme d'hab, je suis avec Anaël. Salut Anaël. Salut Lucas. Et bonjour avec à tous. Thomas. Salut Thomas. Salut Lucas, bonjour à tous. Alors, votre programme aujourd'hui? Alors moi, pour les amateurs de bonne bouffe et d'originalité en même temps. Toujours, tu parles toujours de bouffe, Thomas. ça te pose un problème, Lucas. Non, moi aussi j'aime la bouffe, ne t'inquiète pas. Je vais vous donner des petites infos insolites et je vais parler de ma série préférée. Ah, on a hâte, vous aurez compris, un beau programme qui nous attend aujourd'hui. Avec ça, toujours de la bonne, de la très très bonne musique à venir. Avec Calogero, The Chainsmoker ou encore le jeune DJ producteur Jonas Blue avec son titre Rise. On est heureux de passer une heure avec vous, hein. Alors n'hésitez pas à nous raconter votre début de semaine sur les réseaux sociaux. On veut tout savoir. Et en même temps, suivez-nous sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Studec Web sur Facebook et Instagram. C'est tout simple. Et grâce à ça, vous pourrez suivre toutes les émissions de Studec Web. Et ça vous permet aussi de vous inscrire pour le jeu des poupées russes qui arrive en fin d'émission. En vous inscrivant, envoyez un message sur la page Facebook de Studec Web. Et aussi, n'oubliez pas, demain, on aura des invités d'exception. Incroyable. Anaël, tu peux teaser. Je peux le dire, je peux dire les invités. Tu peux le dire. Justine Salmon et Grégory Hacher du Morning d'RTL 2. Ils seront là demain dès 15h pour une très très belle émission. Le saviez-vous ? Studec Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studec Borderline, vous vous coucherez moins bête. Anaël, tu as fouillé le web, comme d'habitude, pour nous trouver des infos assez inutiles. Mais bon, j'espère que tu vas quand même nous apprendre des choses. Bien sûr, Lucas, puisque sur StudyQuip, on en apprend tous les jours. Et je commence avec un petit peu de culture, ça fait pas de mal. On va s'intéresser à un jeu auquel on a déjà tous joué, le Scrabble. Vous avez déjà joué au Scrabble ? Oui, je suis assez nul. Voilà, c'est ça. Alors, on a beau avoir une deuxième étoile de champion du monde sur notre beau maillot de foot, il y a une activité dans laquelle on se fait battre à plate couture sur notre propre terrain, le Scrabble francophone. C'est quand même fou. Donc voilà l'info que vous attendez tous. Le champion du monde actuel de Scrabble francophone ne parle pas français. Sérieux ? Ouais, c'est comme un... Lucas. Comme moi, je suis. Tu pourrais tenter ta chance. Le champion, c'est Nigel Richard, c'est un néo-zélandais. Et son secret, c'est le travail intensif. C'est dingue, puisqu'en seulement 9 semaines, il a appris par cœur le dictionnaire du Scrabble. Alors, chacun ses passe-temps, on n'est pas là pour juger. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il ne comprend pas du tout ce qu'il écrit. C'est quand même dommage. Bah, du coup, comment il fait ? Enfin, je comprends pas. Bah, il apprend tous les mots par cœur et puis. Du coup, il se dit, on va faire ça. Mais du coup, moi, il me donne de l'espoir. J'ai décidé de tenter ma chance et je me suis inscrite à l'équivalent russe de déchiffrer des lettres sur un malentendu. Ça peut marcher. Bon, allez, maintenant, j'ai envie de vous donner un petit scoop sur notre chère ville de Paris, capitale de la France, une ville que tout le monde entier nous envie. Le pain chaud, les croissants, la tour Eiffel, les Champs-Élysées, les gilets jaunes... Oula, non, pardon, ça marche pas. Paris est tellement envié qu'il en existe non pas une, mais 32 dans le monde. Voilà, donc il y a 22 rien qui sont rien qu'aux États-Unis. Ouais, 32 Paris. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est ouf, non ? Ben oui, enfin, 32 Parisiens 32 aussi, Paris, non. Non, Paris, c'est pas ouf. 32 Paris. La plus connue d'entre elles, c'est Paris au Texas, rendue justement célèbre par le film Paris, Texas de Wim Wenders. Après, je sais pas si les autres Paris du monde sont bondés de jeunes cadres dynamiques en trottinette sur les trottoirs. Mais si c'est pas le cas, je vais peut-être déménager au Texas parce que j'ai failli perdre une jambe l'autre fois à cause d'eux. Et ben, je te suivrai où que tu ailles, hein. Les trottinettes, c'est un peu le fléau parisien de l'année 2018, t'as raison. Hein. Ils ont même sorti des trottinettes électriques en libre service. Oh non. Foutu bobo. Bon, mais c'est peut-être un bobo qui se balade en trottinette, mais il est super talentueux. Alors on lui pardonne, c'est Jonas Blue. En moins de 3 ans, il a réussi à se faire sa place dans le monde de la musique avec des titres comme Fast Car, Mama ou encore son tout dernier carton, c'est Rise sur Studek Web. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Speak our language, they say we're too savage. Jonas Blue avec Rise sur Studek Web, titre issu de son dernier album intitulé simplement Blue. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, alors pourquoi pas l'acheter à un de vos proches, hein. Mais beaucoup d'entre vous le savent, Noël 2018 va être un Noël high-tech avec des téléphones, des ordinateurs, des tablettes. Et c'est pour ça que Thomas a un petit chiffre à nous donner. Alors moi je t'arrête direct, moi je veux des jouets en bois. La technologie, etc. Alors oui, donc je vais parler, le sondage va porter sur un truc qu'on a tous les jours avec nous. Vous voyez, ouais. Bah, le téléphone. Le téléphone, bien évidemment. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Il est fort. Alors le sondage, c'est que 53% de l'usage d'internet se fait sur téléphone. Waouh. Donc pour une anecdote, les Français achètent de moins en moins de PC. Les ventes de téléphones ont depuis dépassé, oui. Depuis quelques années, ont dépassé ceux de PC. Et donc voilà. C'est plus pratique. c'est plus pratique, ouais. C'est petit, tu l'emmènes partout avec toi. Après, je sais que moi, quand je suis chez moi, je préfère largement aller sur mon ordi. Moi, il y a un truc qui me bloque, c'est qu'on. Je sais qu'ils font des applis qui maintenant sont sur PC, se retrouvent sur téléphone portable, ouais. Mais c'est pas le même truc quand même. Non, tu vas pas te taper un document Word de 20 pages là-dessus, quoi. Ouais. Tu peux faire plus de trucs sur l'ordinateur, c'est clair. C'est plus pratique, je trouve. Mais on vous a mis un sondage d'ailleurs sur Instagram, vous pourrez aller voter. Et dans quelques instants, on prendra l'un d'entre vous pour réagir à ce sondage et voir si c'est pareil pour vous. C'est l'heure donc de refaire avant ça un point sur l'actualité insolite avec Anaëlle qui est d'humeur festive, j'ai l'impression. Tout à fait, et on commence en beauté avec une histoire de demande en mariage. Lorraine, veux-tu m'épouser? C'est ce qu'on pouvait lire sur une petite pancarte devant laquelle s'est agenouillé un homme. Ça commence bien, et coup de bol, oui. Lorraine a dit oui. Mais de façon assez bruyante. C'est-à-dire qu'un ami du couple a capturé l'instant vidéo. Ça a beaucoup fait rire les internautes, donc pour vous faire plaisir, j'ai décidé de reconstituer la scène. Désolée, je suis un petit peu stressée, c'est un grand moment. Oscar. Lorraine, veux-tu m'épouser? Voilà, comme on peut l'entendre, la joie de Lorraine est communicative ou un peu flippante, il y a débat. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai entendu un cri pareil, c'est quand ma sœur a trouvé une chauve-souris dans sa chambre. Peut-être qu'elle était contente, en fait. Bon, faudrait que je lui demande. Allez, on reste dans les heureux événements. Samedi soir à Aulnay, une femme a eu des contractions alors qu'elle assistait au spectacle d'Ahmed Silla. Alors, rien d'alarmant, mais quand elle s'est mise à perdre les os, elle s'est dit, tiens, faut peut-être aller à l'hôpital. Alors, c'est mieux. Et du coup, quand le couple s'est levé pour quitter la salle, la foule entière les a acclamés. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est franchement classe d'arriver au monde de cette manière. Oui. Perso, quand je suis née à Lagny-sur-Marne, il y avait juste une sage-femme avec un ballon de baudruche. En plus, il était dégonflé parce que ça faisait 12 heures que j'essayais de sortir. Mais au final, t'as réussi à sortir et maintenant t'es là, ce qui est le principal. On est d'accord. Calogero, c'est la suite sur Studek Web. Son 7e album, Liberté Chérie, est certifié disque de platine. Et depuis quelques jours, Calogero sort la réédition de son album avec un DVD de 26 minutes d'images inédites, parfait pour ses fans. En attendant, il joue de la musique sur Studek Web. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais la partout, c'est comme un volcan dans ma tête. Parfois, je sais pas pour vous, mais moi, ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Mmh. Calogero. Sa tournée continue. Retrouvez toutes les dates près de chez vous sur Facebook. Et il sera du 20 au 24 janvier à l'Olympia de Paris. Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. Bon, il est 15h20 bientôt et je commence à avoir très faim, Thomas. Eh ben écoute Lucas, j'ai la solution à ton problème. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est lundi, c'est le début de la semaine et donc le début d'une nouvelle semaine de boulot, ou pas. Pour moi, ça veut surtout dire une nouvelle semaine pour organiser le prochain week-end. Mec, pour parler de week-end, il passe un titre de The Weeknd. Bon, c'est excellent. Pourquoi pas, voilà. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce week-end? Eh bien, je me suis posé tranquillement sur une chaise devant mon bureau, armé de mon stylo et d'un papier. Et j'ai réfléchi à ce que j'aime faire. J'ai réussi à être productif, oui, ça m'arrive. Puisqu'au bout de 2 heures, j'avais écrit 2 choses que j'adore manger et rien faire. Donc deux choses, c'est pas mal. Deux choses me sont venues alors en tête. La première, donc n'hésitez pas à nous envoyer de la nourriture en toutes sortes pour le studio. Je vous mets l'adresse sur la page Facebook de Studek Web, voilà. La deuxième, pourquoi pas vous proposer une sélection de restaurants insolites à faire? Oui. Bah, je commence tout de suite. Le Blue Elephant. Ça vous parle? Non. Ça, ça n'a pas l'air. C'est le nom du premier restaurant. Et non, Lucas, je ne parle pas de la station de lavage, l'éléphant bleu. C'est vrai, en plus. Une jungle avec plein de bambous juste à côté de Bastille. C'est ce que promet ce restaurant. Pour y avoir été, attention, les plats épicés, ça ne blague pas. Et on fait tourner les serviettes. Comme des petites gilles. Direction l'Hérault pour vous parler du restaurant Le Phare. 43 mètres de hauteur et une vue à 360 degrés, ce restaurant a été construit sur un ancien château d'eau à Palavas-les-Flots. Il offre une vue complète car la salle tourne, donc c'est pas les serviettes qui vont tourner. On y est ou pas? On y est? C'est très sympa. Et donc vous faites le tour en 75 minutes, le tour complet a été réalisé. Poisson pas frais. Oui bah c'est tout, pas chercher plus. Là je pense qu'il sera très frais le poisson parce que le Dragon Élysée, c'est le restaurant thaïlandais dans le 8ème arrondissement de Paris, qui propose de manger sur un sol vitré laissant voir les carpes. Bon, rassurez-vous, si vous commandez du poisson, c'est pas celles-là qui vont être servies sans les dos. J'espère bien. Enfin j'espère. Je vais maintenant faire plaisir au Bagnolard. Auto Passion Café. Les Bagnolards. Oh, ça va, ça va. Auto Passion Café est, comme son nom l'indique, un restaurant pour les passionnés de cambouis. Formule 1, carrosserie, moteur. Le décor est bien rempli. C'est bref, pour toi, ça, Thomas. Idéal pour une sortie romantique. Ouais, exactement. Je vais emmener ma copine là-bas. Le restaurant se situe dans le 14e arrondissement de Paris. Pour finir, je ne vais pas vous parler d'un restaurant en particulier car il y a plein dans le même style partout en France. Les restaurants brocantes. Est-ce que ça vous parle? Pas du non tout. Plus. En gros, dans tous les restaurants, tout peut s'acheter. Les décors, la vaisselle, les chaises. Oh, c'est cool. Bon, t'as un peu l'air bête si tu sors du resto avec un lustre ou une table, mais bon. Et Lucas, calme-toi, les serveuses et serveuses ne sont pas à vendre. J'aurais pu penser. Il veut tout acheter celui-là. Je veux tout. Retrouvez donc toutes les infos et les adresses et les tarifs sur le site de la radio. Et n'oubliez pas de nous dire où vous allez manger ce week-end. Ça nous intéresse peut-être. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Le jeu des poupées russes est en fin d'émission et ça va vous permettre de peut-être repartir avec un pack Studek Web. Dedans, il y a un mug, des t-shirts, des stylos, une écharpe, des gants. Et parce que c'est Noël dans 14 jours, soit dans 2 semaines, on vous rajoute une petite enceinte Bluetooth. Ah. C'est beau, c'est cadeau, ouais. Le service jeu de Studek Web, il a été en réussite cette semaine. Ils ont trouvé le cadeau, ils ont eu le paquet. Pour tenter donc de jouer avec nous et de gagner ce beau cadeau, vous devez affronter Thomas ou Annel. Ils ont chacun un thème. Moi, ce sera les chaussures. Et moi, les voitures. Vous choisissez le thème avec lequel vous êtes le plus à l'aise et vous donnez le nombre de réponses demandées en moins de 45 secondes. Ça paraît simple, mais attention, un thème peut cacher un sous-thème que vous n'aimez pas du tout et qui n'a absolument rien à voir avec le thème. Alors choisissez bien. Pour jouer, envoyez-nous vos coordonnées sur la page Facebook de Studek Web. Bonne chance. En attendant les poupées russes, hein, la musique continue sur Studek Web avec un groove que vous adorez ici, c'est The Chainsmokers. This feeling, c'est ce qui arrive et continuez de vous inscrire sur Facebook car dans quelques minutes, on prend l'un d'entre vous pour réagir au sondage de Thomas. Tu veux écouter Studek Web? Pas de soucis. Retrouve-nous sur le site www.studioecoledefrance.com, onglet Web Radio. Tu sors du travail ou des cours et tu veux te détendre? Alors écoute la Web 2 de Studek Web. Toutes tes musiques préférées sont à l'intérieur avec beaucoup d'infos. T'es dans les transports et tu veux décompresser? Écoute Studek Web 1 et viens t'amuser avec les animateurs de demain, rythmés par des titres phares et des chroniques délirantes. Studek Web est vraiment fait pour toi. Et pourquoi pas, par toi. Studek Web, la radio du studio École de France. Heures, 16h, c'est Borderline sur Studek Web. I'll tell you a story. Tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions and stand by what you say. In the end, it's my decision, so it's my fault when it ends. I lay out all my reasons. You'll say that I need help. We all got expectations, and sometimes they go wrong. But no one listens to me, so I put it in this song. They tell me think with my head, not that thing in my chest. They got their heads and my neck this time. But you're the one that I want. If that's really so wrong, h24 sur Studec Web, on prend l'un d'entre vous pour parler sondage, oui, parce que Noël approche, et Thomas a donc fait des recherches sur la nouvelle technologie, et il a remarqué que nos habitudes avaient bien changé, puisqu'environ 53% des gens surfent maintenant sur Internet à l'aide d'un téléphone et plus à l'aide d'un ordinateur. Eh ouais, exactement, j'ai un petit peu bûché hier soir. Il a un petit peu travaillé le dos. Et donc oui, exactement, 53%, enfin les Français passent, enfin plus de la moitié des Français surfent uniquement sur leur portable. Ouais, bah, les ordinateurs, ça se vend de moins en moins en fait, c'est ça. Ça hein. Se démode, enfin ça évolue. Pour ça, on a Emma au téléphone. Salut Emma. Salut l'équipe. Alors comment ça va toi déjà Emma? Bah ça va très très bien. Je suis trop contente de vous avoir. Merci beaucoup. En plus je rêvais de vous parler et tout. Ah, ça fait plaisir. Je te kiffe. Toi tu veux un pack Studec Web Emma? Tu veux un pack Studec Web Emma? Non, déjà Emma. C'est un plaisir de vous parler. Oh. Mais nous on est hyper contente de te parler aussi. Faut le dire. Alors Emma, t'as été choisie au hasard, hein. Mais le destin a bien fait les choses car tu es informaticienne, c'est et ça? Oui, exactement. Ça tombe bien. Alors ça tombe bien parce qu'on est sur un sujet nouvelle technologie, high tech. Emma, elle colle toujours à l'actu. Emma, elle est toujours au cœur de l'actu, c'est ça. Voilà. Alors toi, Emma, en tant qu'informaticienne, est-ce que tu utilises plus ton téléphone pour des recherches sur Internet ou les ordinateurs ou les deux? Comment ça se passe? Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, j'utilise plus mon téléphone. Enfin, j'utilise mon téléphone pour les réseaux sociaux. Et dès qu'il s'agit d'une recherche un peu plus poussée, évidemment, j'aurais tendance à ressortir un PC. Ouais, c'est plus pratique. Hein. Mais genre, en ce moment, j'ai pas Internet chez moi et ça fait 6 mois que je ne travaille que sur mon portable. Chez moi, j'ai pas la Wi-Fi. Mais moi, j'ai une petite question pour vous, pour Emma aussi. Si par exemple t'as internet chez toi et que tu veux discuter sur Messenger ou quoi, tu vas préférer ton portable ou ton ordi? Ah bah le portable évidemment. Ouais, alors que t'es chez toi. Bah bien sûr. Bah oui. Ah, moi je préfère l'ordi. Moi je suis un peu de la vie d'Anaël. T'as un grand écran, t'as un clavier, c'est quand même plus rapide. Enfin moi je suis pas très habile de mes pouces. Mais souvent chez toi tu fais d'autres trucs. Tu vois, t'as ton téléphone, en plus tu peux regarder la télé ou tu peux être sur ton ordinateur à regarder une série. Toi t'es comme ça. Téléphone, tu vois, pour moi c'est loisir en fait. Après non, c'est un peu de bête ce que je dis parce qu'il y a des téléphones pro maintenant, ils sont super grands. Mais pour moi téléphone c'est plus recherche loisir et portable plus recherche boulot quoi. Ah t'as raison. Ah peut-être. Bah ça dépend des gens du coup. Hein. Ah, c'est les gens évoluent. D'où l'idée du sondage. les gens aient voulu. Merci d'ailleurs Emma. Tiens, Emma, pour ton cadeau, je t'offre un petit pack Studek Web pour toi. Merci beaucoup, merci l'équipe. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Je vous écoute tous les jours, vraiment. Continuez, vraiment. Voilà. On t'embrasse merci fort, Emma. Emma. Gros salut, bisous. Emma. L'alerte média, on a chacun des alertes à vous donner. Près de 50 pièces du dressing de Jennifer sont en vente sur ebay.fr du 10 au 20 décembre. L'ensemble des bénéfices de cette vente seront réservés au collectif Ensemble contre le mélanome, projet porté par le professeur Caroline Robert, chef du service de dermatologie au sein de l'Institut Gustave Roussy. Et ça contribue par ses recherches à prévenir, dépister et guérir cette forme de cancer de la peau. Direction Tarbes maintenant et plus précisément sur le péage de Séméac où il y a eu un événement un peu décalé par rapport à la situation. En effet, depuis un mois, ce péage est devenu un des lieux de rassemblement pour les gilets jaunes, qui le transforment en barrage. C'est là que Chouchoune et Coco Belœil, moi j'imagine que ce sont leurs surnoms, se sont rencontrés il y a un mois, et pour la symbolique, ils ont décidé de se dire oui samedi dernier au péage avec une petite cérémonie. La chanteuse Rihanna provoque toujours le buzz à chaque nouvelle coupe de cheveux, chaque nouvelle épilation de sourcils, et maintenant on sait un peu mieux pourquoi, parce qu'elle décide d'utiliser des sosies pour faire ses coupes de cheveux et ses sourcils pour voir si ça lui irait bien. C'est génial. C'est une bonne technique, ouais. France 2 déprogramme l'épisode de ce soir de la série Un si grand soleil. À la place, la chaîne proposera une édition spéciale de son 20h en lien avec le discours du président de la République. Clairement, ce n'est pas l'année de Booba. Il a été victime hier soir d'un cambriolage dimanche soir à son domicile à Boulogne-Billancourt. Et on a appris, c'est ce qu'on a appris lundi donc par les sources de police. Les cambrioleurs sont entrés dans l'appartement par une porte-fenêtre entre 20h et 22h30. Le montant du préjudice est très très fort puisqu'il y a des bijoux, des robes, des montres, des vêtements, des bagages de luxe, etc. Et donc ce n'est pas son année car il a été condamné il y a moins de 6 mois à 5 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour sa bagarre avec... Caris. Et pourtant ça fait l'actu hein. Ouais bon, pas trop quand même. Ah, on n'a pas entendu parler de Booba et Caris à Orly. Pas trop. Et dernière actu insolite, Ed Sheeran va faire l'apparition dans le prochain volet de la saga intergalactique de Star Wars, attendu dans les salles obscures en décembre 2019. Il devrait camper un Stormtrooper, je crois que c'est Stormtrooper, les soldats de l'Empire galactique. Espérons que le chanteur n'aura pas le même sort que le prince Harry et William qui eux ont été coupés au montage. Vous reconnaissez cette musique, c'est l'arrivée imminente des Poupées Russes, votre jeu préféré de Studek Web. Vous affronterez donc Anaël ou Thomas sur leur thème. La voiture, pardon. Et moi, c'est les chaussures. Vous avez 45 secondes pour donner le nombre de réponses demandées. Mais attention, un thème peut cacher un sous-thème qui n'a absolument rien à voir. Alors faites gaffe, inscrivez-vous sur notre page Facebook pour tenter de gagner un pack Studek Web. Et en plus de ça, une petite enceinte Bluetooth juste parce que c'est Noël. Dans un instant, on voyage avec l'instant d'ailleurs. Mais juste avant, c'est Amir qui arrive. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne. Avec ma musique préférée du moment, c'est longtemps sur Studek Web. Demain, dans Studek Borderline, on aura la chance de recevoir les animateurs du morning de RTL2, Greg Hacher et Justine Solmon. On vous les fera découvrir par rapport à plusieurs interviews. Ils joueront avec vous aux émissions et des poupées russes. Et voilà, c'est demain dès 15h sur Studek Web. Studek Web, les infos. Un point sur l'actualité avec Evan Guilmoto. Bonjour Evan. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Les responsables politiques et syndicaux viennent de sortir de la réunion avec Emmanuel Macron à l'Élysée il y a quelques minutes. 37 personnes étaient réunies pour parler de la crise des Gilets jaunes, mouvement qui s'est suivi samedi dernier pour un quatrième acte. L'objectif était de trouver un terrain d'entente, mais aucun élément de réponse n'a été dévoilé pendant les 4 heures des réunions, selon Laurent Berger, secrétaire de la CFDT. Le président nous a simplement écoutés. Emmanuel Macron s'adressera ce soir à la Nation à 20h, allocution de 15 minutes, qui devrait contenir certaines mesures, du concret, du solide, selon Hervé Morin, président de Région de France. Je pense que les événements actuels devraient nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale au dernier trimestre. Déclaration de Bruno Le Maire ce matin au micro de RTL. En effet, les commerces français seraient en perte de croissance depuis 3 semaines, jusqu'à 10 milliards d'euros de pertes pour l'économie selon le patronat. Carlos Ghosn devait passer le réveillon en cellule au Japon. Le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a été mis en examen ce matin pour dissimulation de revenus sur 5 ans. Il encourt la peine maximale de 10 ans de prison. Son bras droit Greg Kelly, arrêté en même temps que lui le 19 novembre, a aussi été mis en examen. Les autorités japonaises ont décidé également de poursuivre Nissan en tant qu'entité morale. L'entreprise aurait par sa négligence faussé les informations transmises aux actionnaires. À l'étranger, le pacte de Marrakech a été approuvé aujourd'hui par 150 pays des Nations Unies. Une signature qui aide à la législation de la migration et qui a comme vocation de redonner une souveraineté à chaque pays. Texte décrié par le Rassemblement National et les Républicains en France. À nouveau, les Français sont tenus à l'écart d'une décision qui va changer à jamais le visage de notre pays, a critiqué Marine Le Pen sur Twitter. Le document doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En Angleterre, le vote sur le Brexit de demain remis en question. Quelques rumeurs annonceraient que celui-ci serait décalé. Theresa May va prendre la parole à 16h30 devant les députés pour évoquer le sujet. Sur le Royaume-Uni, doit prendre la décision de refuser le divorce sans l'aval des autres membres, c'est ce qu'a affirmé ce midi la Commission européenne. Du côté de la météo, un ciel partiellement dégagé pour la soirée. Les nuages seront présents sur l'ensemble du pays. Des averses apparaîtront du nord jusqu'en Savoie. Quant à la côte méditerranéenne, elle pourra voir le soleil en fin de journée. Les températures sont comprises, elles, entre 2 et 12 degrés, avec 3 à Gap, 5 à Calais et Vesoul, 9 à Brest et Montpellier, et la maximale de 12 degrés à Nice. Merci Evan, prochain point sur l'actualité à 16h. C'est Borderline sur StudioCweb. Vous êtes toujours dans Studec Borderline, j'espère que vous allez bien. Dans un instant, Annaëlle va nous parler d'une série qui a marqué sa vie. Essayez de deviner, tiens, de quelle série elle va parler en nous envoyant un petit message sur Facebook. Je vais voir si vous connaissez bien Annaëlle. En parlant de Facebook, vous pouvez toujours vous inscrire pour jouer au jeu des poupées russes, qui arrive avant la fin d'émission. Son dernier album a été certifié disque de platine et il a annoncé la sortie très proche de la réédition de son deuxième album Addiction. En plus de ça, un documentaire sur sa vie et sa carrière dans les yeux d'Amir vient de sortir. Beaucoup d'actualité pour Amir qui est là pendant encore, je pense, très longtemps sur Studio Web. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent, rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. sur Studek Web, morceau issu de la réédition du second album d'Amir qui devrait sortir d'ici quelques jours. Je vous ai mis au défi de trouver la série dont allez nous parler Anaëlle, et je vous avoue que vous avez été quelques-uns à trouver, et c'est une corde sensible pour Anaëlle car c'est sa série préférée dont elle va parler. Exactement, on va pas y aller par quatre chemins. Aujourd'hui je vous présente la série de ma vie, celle qui m'a accompagnée pendant des années, J'annonce la couleur. Quelqu'un reconnaît le cas, sûr, le cas tu l'as. C'est pas Ghost with Ghost. Non, c'est Housewife. Oui, c'est ça. Voilà, enfin, je sais pas le dire, mais Desperate Housewives. Voilà, exactement. Voilà. C'est Desperate Housewives, une série américaine qui a été créée en 2005 par Mark Cherry, qui a eu un succès incroyable. Alors, pour résumer, la série met en scène le quotidien assez atypique de quatre femmes: Suzanne Mayer, Brie Van de Kamp, Gabrielle Solis et ma petite préférée, Lynette Scavo. Elles habitent à Wisteria Lane, un quartier fictif qui représente un petit peu le quartier résidentiel de la classe moyenne américaine. Je vais commencer par un portrait des quatre personnages principaux. Alors, Suzanne Mayer, elle est interprétée par Terry Hatcher. C'est un peu la boulette du groupe, parce que t'es d'accord avec moi. Il lui arrive tout le temps des tuiles et elle cuisine comme un pied. C'est pas pratique, hein. Un conseil, ne goûtez jamais son gratin de macaroni au fromage. Mais bon, même avec ce fameux gratin, elle a réussi à séduire Mike Delfino, qui deviendra son mari dans la saison 3. Elle devient donc Suzanne Delfino, mais je vous raconte pas la fin, sinon je vais mettre à pleurer. Moi aussi, je pleure déjà. Brie Van de Kamp, elle est interprétée par Marcia Cross. Alors, c'est l'opposé de Suzanne. Au début, on sait pas trop si on l'aime ou pas. Au premier abord, c'est un peu la psychorigide du groupe, avec ses cheveux roux éclatants, sa peau parfaite, ses vêtements élégants, sans aucun pli. Mais au fil des saisons, on se rend compte qu'elle a un très grand cœur et qu'elle est prête à tout pour sa famille et ses amis. Mais n'empêche que j'ai pas trop envie d'être sa fille. Non, elle est très stricte. Ouais, voilà. Ensuite, on a Gabrielle Solis, jouée par la fameuse Eva Longoria. Alors elle, c'est la petite rigolote de la bande, la riche aussi, hein, on va pas se le cacher. Oui, ancien mannequin. Bah oui, au départ, elle est plutôt hautaine, mais au final, elle est toujours là aussi pour ses amis, et c'est le principal. Et enfin, il y a Lynette Scavo, interprétée par Felicity Huffman. Lynette, c'est la mère de famille tout le temps débordée, qui a tout le temps des problèmes avec ses enfants, mais elle est absolument géniale et serait aussi prête à tout sacrifier pour ses proches, pardon. La série compte 8 saisons, toutes différentes les unes des autres, au fil desquelles il se passe des trucs assez improbables, des meurtres, des disparitions, des tromperies, des voisins louches. Bref, on s'ennuie pas. Et pour donner quelques chiffres, Desperate Housewives, c'est 180 épisodes, 6 événements et catastrophes extrêmement rares, mais qui n'ont poussé personne à déménager. Ouais, tout le monde est resté là-bas. 3,9 millions de téléspectateurs fidèles en France et deux fois sacrée meilleure série au Golden Globe et 59 morts. Voilà. Ça, c'est c'était pour le plaisir. Faut savoir que j'ai regardé la série entière environ 10 fois, mais je plaisante pas. Vraiment, je l'ai regardé en boucle. Je suis absolument fan et j'ai suivi du tout début en 2005 jusqu'à la fin de diffusion en 2012. Oui, j'avais 7 ans quand j'ai commencé à regarder. Autant vous dire que mon père était pas serein quand il m'a vu regarder une scène un petit peu olé olé. Bon, quand ça s'est terminé, j'ai fait une dépression, hein. Du coup, j'ai recommencé à regarder et ainsi de suite. Ça ne s'arrêtera jamais. Lucas, toi qui adore cette série, si tu devais retenir une chose, par exemple, ce serait quoi? Je peux pas le dire parce que ça va spoiler, mais ouais. C'est la mort d'un personnage qui m'a très très choqué. Bon bah moi c'est un peu différent, moi ce serait ça. C'est le rire de Gabi. Juste je l'adore. Alors, moi à chaque fois je suis pliée. Enfin c'est le rire de sa doublure, Odile. Voilà. C'est tout moins classe direct. Tout de suite ça a moins de cachet. Gabi c'est la pote gênante qui explose de rire vraiment quand il faut pas. Bon bref, cette série elle est vraiment drôle, mais elle est aussi touchante et triste avec toutes les larmes que j'ai versées. Personnellement, j'aurais pu ouvrir une piscine municipale à Pornic. Si vous n'avez jamais regardé Desperate Housewives, je vous conseille vraiment de le faire. Puis c'est bientôt Noël, alors franchement, mettez les premières saisons sur votre liste, hein, vous serez vraiment pas déçus. Ou sinon mettez M6 parce que ça passe en boucle depuis 10 ans. Ah oui, ça c'est mon petit rendez-vous, hein. Pendant les vacances, on s'en fout des petits repas de Noël, on regarde Desperate Housewives. Clairement. Bienvenue sur Studek Airlines. Attention, décollage imminent pour les musiques d'ailleurs. À destination de... L'hiver est là, enfin il s'approche très très vite et avec lui se ramène ses potes, hein. Le froid, la neige, la pluie, bref, on a vraiment envie de voyager et de redécouvrir un peu le soleil. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous emmène au Sénégal avec le chanteur Dr Lass. Commence à avoir sa petite notoriété en France car il est depuis quelques années un des chanteurs officiels du groupe Synapson, les DJ français que vous connaissez peut-être grâce au titre Hideaway ou encore All In You. Le groupe français l'a repéré sur internet, ils l'ont contacté et depuis environ un an, il les suit dans leur tournée et participe à leur album avec un featuring sur le morceau Suba. Qui est vrai Dr Lass en fait. Il est originaire de Mbata, c'est le nom d'ailleurs de son premier album, un petit village de la banlieue de Dakar. C'est un auteur, compositeur, interprète qui arrive en France, à Villefranche, en 2007. C'est là qu'il commence une carrière solo. Entre 2007 et 2010, il court au travers la France à base de concerts, il va en Europe aussi. Et en 2017, il sort donc son premier EP avec comme titre phare Salam. Voix forte et puissante, il chante dans sa langue natale. Je vous laisse donc le découvrir avec le dernier titre des Synapsons, c'est Souba sur Studek Web. Du groupe Synapson sur Studek Web avec le chanteur Dr Lass, une chanson pleine d'espoir puisque Souba signifie demain et la chanson en gros dit que demain sera un jour meilleur, mais pour ça il faut y croire. J'espère vous avoir fait découvrir un artiste, il commence bientôt une tournée solo, on vous mettra toutes les infos sur le Facebook de Studek Web. Dernière ligne droite pour vous inscrire au jeu des poupées russes à gagner un pack Studek Web, et parce que c'est Noël on rajoute une petite enceinte Bluetooth, comme ça c'est cadeau. Pour ça il suffit d'affronter Anaël ou Thomas au jeu et ils ont chacun un thème. Moi ce sera les chaussures et la voiture. Pour moi. Vous choisissez donc le thème qui vous inspire le plus et vous avez 45 secondes pour donner le nombre de réponses demandées. Mais attention, n'oubliez pas que chaque thème peut cacher un petit secret, un petit truc qui fait que ce n'est pas du tout le thème que vous avez choisi. Donc je vous souhaite bonne chance, inscrivez-vous sur la page Facebook de Studek Web. Lady Gaga, c'est la suite de la playlist avec I Want Your Love. Votre amour, Anaël et Thomas, c'est tout ce que je veux. Et aussi... Quel faillot celui-là, je ouais. sais. Le serment d'Hippocrate et le jeu arrivent avant la fin d'émission. Les meilleurs tubes sont sur Studek Web. Luis Fonsi et Demi Lovato. Sophie Tucker. Radio et vous. Ne bougez pas, on continue à se cultiver sur Studek Web. Do you feel like you ever want to try my love and see how well love. I want your love. On joue au jeu des poupées russes sur Sudekweb. Le jeu des poupées russes, c'est maintenant pour tenter de gagner un pack Sudekweb et une petite enceinte Bluetooth. Juste comme ça, j'adore le générique des poupées russes. Moi aussi. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est un petit kiff, je l'adore. Moi, je l'écoute en boucle. Chez moi, je mets le petit jingle en boucle. Pour ça, donc, vous avez 45 secondes et vous deviez défier Annaëlle ou Thomas qui ont chacun un thème. Oui, alors moi, c'est les chaussures. Et moi, la voiture. Vous avez été très très nombreux à participer sur Facebook, on vous en remercie d'ailleurs beaucoup. Mais c'est Mathilde qui a été sélectionnée, salut Mathilde. Salut toute l'équipe. Salut. Salut Mathilde. Comment tu vas Mathilde? Ça va super et vous? Super, on est lundi, on est là, on est tranquille, on est cool. C'est ça. Alors Mathilde, tu as 23 ans et tu viens de Toulouse et t'es infirmière, c'est ça? Eh ben exactement. Alors voilà. T'es déjà infirmière ou t'es en études d'infirmière? Non, je le suis déjà. Dans un hôpital? Ouais. Oh, elle a pas de temps à perdre, Mathilde. C'est un métier qui me passionne, l'infirmière. Ah bah, c'est un métier de passion. Je me dis. Tu peux toujours te reconvertir, Lucas. Personne ne te jugera. Hein. J'arrête la radio, je me lance dans ma chaise. Nu sous ta blouse. Mathilde, donc tu as les deux thèmes, Danel et Thomas. Lequel choisis-tu pour le jeu des poupées russes? Alors, sachant que j'adore le tuning, je vais choisir la voiture. T'es fan de tuning, Mathilde. Ouais, c'est bien ça. Alors, voiture égale tuning pour toi. Oui. Oui, exactement. Bas de caisse, lumière, pot d'échappement, tout. Tu vas être très déçu, je pense, quand je vais t'annoncer le sous-thème. Oh, je te laisse donc avec Thomas. Alors, donc Mathilde, merci de m'avoir choisi. Bon choix. Tu vas donc devoir me citer 8 objets que l'on trouve très souvent dans le coffre et l'habitacle d'une voiture. Est-ce que tu as bien compris? Ok. Et des objets qu'on trouve régulièrement. Dans une voiture, quoi. Ok. Une voiture qui roule. Ça va jusque. Est-ce que tu es prête? C'est bon, ouais, je suis prête. Allez, c'est parti. Alors, un parapluie. Oui. Des mouchoirs. Oui. Le permis. Oui. Le A, là, qu'on met quand on vient d'avoir le permis. Oui. Un disque de parking. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des sacs de course. Oui. Plus que deux. Oh là là. Qu'est-ce qu'on trouve? Des chewing-gums. Ouais. Ouais. Et aussi des lunettes. Yeah. Bah, c'est gagné. Ouais, yeah. C'est gagné. Bravo. C'est le tuning, ça aide. Bah, ça, elle est fan de tuning, donc ouais, c'était sûr qu'elle avait gagné. Forcément, Mathilde, c'était sûr. L'univers des 4 roues, quoi. Mathilde, du coup, tu as gagné, tu repars avec ton pack Sudekweb et une petite enceinte Bluetooth. Ah, donc, c'est pour toi, c'est pour cadeau, d'accord? Trop bien, merci beaucoup. On te remercie et tu reviens jouer avec nous quand tu veux, Mathilde. On viendra brûler de la gomme. Ciao. Merci. Gros bisous. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'Hippocrite sur Sudekweb. Le serment d'Hippocrite, ça annonce la fin de l'émission, mais ça annonce aussi un petit jeu parce qu'on aime bien ce moment dans l'émission. On adore ce moment. Parce qu'on se dit des petits trucs sur nous et on kiffe. On apprend beaucoup. Et Pauline nous a rejoint. Salut Pauline. Salut Lucas, salut tout le monde. Tu reprendras la suite avec l'heure média. Exactement. De 16h à 17h. Voilà. En attendant, donc, on a 3 anecdotes. Aujourd'hui, on tourne de la piscine, voilà. Du parc aquatique, on de l'eau. On a envie de se baigner. On a envie de prendre la sauce, savoir, voilà, de se baigner. Tu vas devoir découvrir laquelle des 3 anecdotes est vraie. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Si tu te trompes, d'accord, tu auras un gage, tu devras caler l'intro du prochain disque qui est Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Okay. Parce que c'est bientôt Noël, du coup. Oui, on a voulu vrai. Faire un petit thème dans le Sudekweb. Ça va. On commence avec l'anecdote d'Anaëlle. Je commence. Alors, un jour, je suis allée dans un parc aquatique. C'est drôle. Il y avait une tyrolienne. Ouais. Tu vois ce que c'est? Non, je vois. Et du coup, bah, en fait, la tyrolienne dans un parc aquatique. Oui, en fait, le but, c'était de la faire en maillot de bain. Ouais. T'étais en haut d'un arbre et en fait, excusez-moi, tu descends la tyrolienne et en fait, j'étais en maillot de bain et je suis restée coincée. Donc. Du coup, je me suis retrouvée en maillot de bain pendant 13 minutes au-dessus du parc aquatique. Oh, le petit bout de chou. Il y a plein de gens qui m'ont. Non, mais arrête, j'ai 18 ans. T'avais quel âge? Ah, 18 ans, merde. Ah, c'est con. Mais t'as pas une photo de ça? Non. Oh, toi, tu crois qu'elle met ça sur Facebook? Mais non, mais ses parents qui sont en bas, j'en sais rien. C'est un souvenir. Il y avait des gens. Au milieu. Il y avait tous les gens qui étaient en bas, qui me regardaient, du coup, qui étaient. Ah, et moi, j'étais là. Salut les mecs, qui peut venir me débloquer? Voilà. Admirez mon summer body. Thomas, à toi. Alors, moi, c'était dans un parc aquatique. Comme Annaëlle. Oui. Et moi, je suis à la recherche de sensations fortes de vitesse. Ça a l'air moins sûr qu'Annaëlle, en tout cas. Non, c'est moins drôle, en fait. Pardon. C'est moins drôle, du coup je change de ton. Mais vas-y, alors dis-moi. Et du coup, moi, bah, recherche de vitesse et tout. Du coup, en haut des toboggans, moi je baissais. Je sais pas si vous connaissez cette technique de baisser, de se mettre cul nu, quoi, clairement. Ouais, oui, pour aller plus vite. Okay. Et je l'ai fait. Et bah, arrivé à la piscine, je me suis fait dégager. Oh la honte. Ouais, je me suis fait dégager parce que problème d'hygiène ou je sais pas quoi. Du coup, c'est pas très hygiénique, on va dire. On m'a Moi j'aime une technique propre, plus hygiénique. Tu mets le truc en string. Mais... C'est vrai, on l'a tous. Ça fait mal. Et après tu finis au milieu d'une tyrolienne à moitié. Merci pour le rappel. Dernière anecdote, c'est la mienne, un peu moins joyeuse, mais peut-être aussi marrante. J'étais pas à un parc aquatique, j'étais dans la piscine de ma tante qui a une maison dans le sud. Ouais. Et tu sais, il y a les grosses bouées. Nous on avait une grosse bouée en forme de flamant rose. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Et c'était il y a longtemps parce que les bouées en flamant rose, non, cette année. Il y a 4 ans, je crois. Ok. Bref. Et du coup, je plonge dans la piscine, mais je voulais plonger dans. Et t'es resté coincé. En fait, j'étais beaucoup plus gros il y a 4 ans. Et je suis resté bloqué, la tête dans l'eau. J'ai failli me noyer. Ça, c'est trop stupide. Mon père a dû moi, me sauver au dernier moment, un justicier. Donc, j'ai failli crever dans l'eau de la piscine. Merci à Fabrice de t'avoir sauvé. Merci Fab de m'avoir sauvé. Là, Pauline. Ouais, mais laquelle est vraie, laquelle est fausse? En vrai, les trois peuvent être possibles. Oui. Mais c'est vrai que celle d'Anaël est quand même, c'est un problème. Genre, j'imagine mal qu'elle ait quelqu'un au milieu, tu vois. Tu dis Anaël? Par respect de sécurité, ouais, je dirais Anaël, ouais. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh ben, c'est la bonne réponse! Bravo. Ah, tu connais bien Anaël, c'est la femme qui c'est reste. C'est très gênant. Je pense que tu mettrais sur Facebook. J'étais pas à l'aise, je vous le dis. J'étais coincée et tout le monde me regardait et voilà, bon, bref. Ben, merci Pauline, tu as trouvé, donc tu n'as pas de gage. Nous, en tout cas, on se retrouve demain avec Anaël et Thomas et on recevra deux invités. Je te laisse dire les noms, Anaël. Oui, bah oui, parce que toi tu as un peu de mal. Grégory Hacher et Justine Salmon du Morning d'RTL2. Les animateurs voilà, du Morning d'RTL2. C'est demain dès 15h, il y aura des jeux du secret du serment d'hypocrite avec eux. Ce sera plutôt drôle, non? Oui, plutôt drôle. On va s'amuser. On va essayer. Et là on laisse la place avec Pauline, leur média. Oui. C'est tout de suite sur Studek Web. Et là, Noël approche. On était obligé de passer Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You sur Studek Web. I don't want a lot for Christmas.